chevauchée par Lucide de la rue Mardreuse. La petite dame était peut-être étrangère, puisque son insouciance la mettait chaque matin à cheval au bois, alors que le fort de Vaux tombait, là-bas, du côté de l'enfer et de la gloire. Neutre ou bien égoïste, elle n'en était pas moins très jolie, ce qui compense bien des choses, car la beauté qu'on porte sur son visage et sa personne est un cadeau qu'on fait aux autres malgré soi, c'est vrai, mais qui n'en reste pas moins cadeau, c'est-à-dire générosité. Deux des soupirants civils de la petite belle, des gens à cheveux gris naturellement, se disputèrent longtemps ses regards, l'honneur de porter son sac, ou de lui passer son paletot à travers l'été et les matinées, où il la rencontrait plusieurs fois par semaine. Cependant, comme ils avaient à partager ces mièvres faveurs avec nombre de permissionnaires en bleu horizon, sans parler de ceux en kaki anglais et belge, et sans compter les embusqués, les argentins, les suisses, les espagnols et autres non-combattants de la Grande Guerre, ils finirent par conclure entre eux deux, encore que tacitement, une sorte de pacte. Ils firent bloc contre le flot des alliés et des neutres qui assiégeaient leurs cocottes, et s'entraidèrent avec astuce au lieu de se combattre comme ils l'avaient fait jusque-là. C'est ainsi qu'un jour ils se virent, l'un à droite et l'autre à gauche, encadrant à cheval la frêle habituée du bois montée sur son joli bai brun, chacun d'eux bien étonné de se trouver à califourchon sur le coursier avachi loué dans le premier manège venu, car depuis le lycée, ni l'un ni l'autre n'avait jamais remis son séant sur une selle. Du reste, s'il s'était hasardé à obéir aux caprices de la cruelle, c'était présumant qu'elle ne devait guère être dangereuse à suivre, en quoi il ne se trompait guère. De même que beaucoup d'Amazones chics, celle-ci bornait ses variétés équestres à un tout petit temps de trot suivi d'une demi-heure de repos haletant au pas, un rien de galop de chasse, puis encore du pas, puis encore un peu de trot, puis encore du pas, surtout du pas. Sauter, il n'en était pas question. Donc, heureux tous trois de se mettre en route de bon matin par un charmant soleil, ayant projeté de se rendre très loin, c'est-à-dire jusqu'au bois de Meudon, ils partirent avec quelque héroïsme au cœur, ce sentiment de grandeur que donne le fait d'être à cheval, lequel vous place plus haut que les autres et vous fait avancer plus vite qu'eux, sans rien perdre d'une calme attitude qui confine à la dignité. C'est du pas qu'il s'agit ici, bien entendu. Peu après le montoir du bois, la dame fit souffrir ses deux barbons en les mettant au trot. Ils furent, pendant quelques minutes, démoralisés et rouges, souffrant d'une double peur, tombés ou bien être ridicule à cheval. Mais le trot donnant chaud et compromettant par là le fard du visage et la frisure des cheveux, l'Amazone se remit vite au pas pour la délivrance de sa paire de cavaliers. Chacun d'eux pensa « Ouf !» Cependant, ils dirent l'un « C'est exquis de trotter au printemps » et l'autre « Le trot, il n'y a que ça de vrai !» Puis vite, ils commencèrent une conversation animée, de ces conversations qui font oublier qu'on est à cheval et par conséquent, maintiennent la promenade au pas tant que le sujet n'est pas épuisé. Tout en parlant, ils sentaient à droite et à gauche de leurs pas allongés passer le bois avec ses fraîcheurs et ses couleurs. De nouveau, le sentiment de leur supériorité les redressait. Ils étaient bien. Ils devinrent éloquents. Ils firent des mots d'esprit, racontèrent des anecdotes, évoquèrent avec quelque charme le temps de leur jeunesse. J'avais 20 ans à l'époque. Ils s'attendrissaient. Le bois autour d'eux respirait, fleuri de ses belles modes, étincelant de ses belles autos, doux paysage, le plus adorablement artificiel qui soit, avec ses lacs faux et son eau vraie, ses cascades truquées et sa verdure authentique, ses grandes élégances diurnes et sa pègre nocturne, le bois à double face, riche et frivole de jour, tragique et pauvre de nuit, le bois qui n'a pas d'égal parmi les plus cavalcadants prateurs et les plus verdoyants cassines des autres capitales d'Europe. Leur entrée dans Bellevue les fit taire, parce qu'ils redoutaient le tram, les rails, toutes sortes d'embûches. Ils ne reprirent leur entrain que sur un pavé des gardes, sous la feuillée. Ils savaient qu'on ne trotterait pas là, les pavés l'interdisant. Ils se mirent à parler de la guerre. « Vous auriez fait un bel officier de cavalerie, » dit la cocotte pour se moquer du plus âgé. Il fut piqué et répondit « Pourquoi pas ?» voulut plaisanter, se redressa sur ses étriers, et roulant l'air, cria le plus fort qu'il put « Chargez !» Personne n'eut le temps de jeter une exclamation. Les deux chevaux de manège, portant les deux messieurs grisonnants, venaient de prendre le galop de charge. les chevaux ont une mémoire miraculeuse. Ceux-ci, vieux réformés de l'armée, venaient de reconnaître un ordre de leur passé. Mécaniquement, ils y obéissaient. En une seconde, l'Amazone se trouva seule sur le pavé des gardes, regardant avec une stupeur terrifiée ses deux vieux amoureux disparaître furieusement à l'horizon. Eux, cramponnés, les yeux hors de la tête, courant à l'abîme, virent dans un cauchemar passer des pavés, toujours des pavés, puis une prairie, puis une route ombreuse, puis une large grille où des gardes levèrent les bras, puis une sorte de village, puis des champs labourés, puis des haricots, puis des pois, puis encore une localité où tout le monde criait et se sauvait, puis enfin le commencement d'une grande route solitaire. Au milieu, les chevaux stoppèrent si brutalement que les pieds des deux cavaliers sortirent des étriers et qu'ils furent jetés sur les coups des bêtes. Ils ne tombèrent pas. Sans chapeau, dans un bain de sueur, ils claquaient des dents. Ils se regardèrent sans rire. L'un était livide, l'autre violet. Et comme l'un d'eux ouvrait la bouche pour dire quelque chose, l'autre lui fit violemment signe de se taire, en lui montrant d'un doigt épouvanté les oreilles de son cheval. Alors, perdus dans la campagne, lamentables et grotesques, ils commencèrent à chercher leur chemin pour rentrer à Paris. Mais ils ne se parlaient plus que par signes, car ils avaient l'effroi qu'un mot malheureux ne déclenchât une nouvelle surprise. C'était « Chevauché » par Lucie de la rue Mardrus.